danse sans importance, puisque le temps fait son affaire. C'est ma danse sans importance, puisque le temps, hein, voilà que je m'y promène. Et j'y revois les mêmes. Comme je flâne, c'est facile. Je pense une seule et il réplique. Comme je traîne, c'est facile. Parfois je cherche la tactique de lui montrer sans avoir l'air. Mais comment, sans tout foutre en l'air. C'est ma danse sans importance, puisque le temps fait son affaire. C'est ma danse sans importance, puisque le temps, hein, voilà, les autres mentent. Ils sont dans l'endroit, ils entrent. Ils me rappellent les jours d'avant où ils comprenaient ma manière. Depuis tout jeune, déjà enfant, j'étais déjà comme mon père. J'aurais plus l'âge d'être conforme si je savais changer la forme. C'est ma danse sans importance, puisque le temps fait son affaire. C'est ma danse sans importance, puisque le temps, hein, voilà comme la vie se rêve. Et je me contente des brèves. Comme tranquille je me promène, j'ai pas l'air d'être en manque, pas l'air. Et les souvenirs que j'égrène, mais qui peut dire qu'ils s'en passent? Non merci, pas de dessert, je m'en tiendrai à ce qui lasse. J'ai du bonheur dans mon désert. C'est ma danse sans importance, puisque le temps fait son affaire. C'est ma danse sans importance, puisque le temps. Oh.